Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 79e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Damien Viguier. Maître, bonjour à vous. Bonjour. Maître, vous êtes avocat, l'avocat notamment d'Alain Soral, l'égalité et réconciliation, de Robert Fourisson ou encore de Carlos. Vous êtes, disons-le, à l'origine d'une stratégie de communication originale visant à mettre à la connaissance de tous ce qu'il se passe dans les prétoires, mais ce n'est pas tout. Vous êtes également écrivain, l'auteur de 4 livres pédagogiques sur le droit, édités par la maison d'édition Contre-Culture. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs, c'est Vincent et Maître Viguier sur ERFM. Maître Viguier, nous connaissons l'avocat que vous êtes, mais nous connaissons beaucoup moins l'auteur. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors, je suis venu au jour en 1966 à Grenoble. Mon père est d'origine dauphinoise savoisienne. Et ma mère d'origine autrichienne. Elle est née en 38, juste avant l'Anschluss, donc elle était allemande. D'accord. Dans quel milieu social? Alors, c'est difficile parce que définir des classes sociales, c'est tout un travail. Je vais procéder de manière plus précise en vous donnant les professions. Bon, je pense que ça sera suffisant. On peut lâcher le mot bourgeois quand même, hein. D'accord. On peut, oui. Ma mère était architecte. Sa mère était faisait de la traduction italo-allemande. Son père était pilote de chasse dans la Luftwaffe. Et quant à mon père, sa mère était avocate. Son père était professeur de mathématiques. Et il a été directeur de l'école des Roches. Alors là, c'est pas une école pour bourgeois, hein, c'est une école pour la haute bourgeoisie et voire la haute aristocratie. Hein. L'école des Roches, et il a été le fondateur du collège d'un collège dans le Vercors. D'accord. Voilà, quand il y a eu la débâcle, il est parti avec ses élèves, enfin quelques élèves et quelques professeurs, et ils ont fondé quelque chose dans le Vercors. Voilà. Après, bon, enfin, on va pas commencer peut-être avec les anecdotes sur la bataille du Vercors, si vous étonnez vraiment. Avec les SS, donc, qui sont arrivés en planeur. Ouais, bien sûr. Quelque chose de poétique. Je connais bien cette histoire, parce que je suis moi-même de Grenoble. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Bonne nouvelle. Grenoble produit de bonnes choses, alors. Pas seulement des noix. D'accord. Et donc, vous passez cette enfance à Grenoble? Ah oui, à Grenoble, oui. Oui, ville à laquelle je suis toujours très, très attaché. Très attaché. Je veux bien croire, je veux bien comprendre que des gens trouvent cette ville moche, que des gens trouvent que c'est encaissé, que c'est une cuvette, qu'il y a de la pollution, qu'on n'y respire pas. Je ne peux pas me détacher de Grenoble. C'est une ville que j'aime. Je demande pardon, mais j'aime cette ville. Ville universitaire. Voilà. J'ai eu la chance... Alors, milieu bourgeois, mais désargenté. Hein. Hein, tout simplement parce que... bon, c'est aussi l'époque, hein, les années 70, le détachement par rapport à l'argent, d'autres ambitions que la réussite sociale. Donc, mes parents ne couraient pas après l'argent, et surtout pas mon père, hein, qui était surtout... à Grenoble, comme on l'est à Grenoble dans ces années-là, c'est-à-dire un agitateur gauchiste. Gauchiste, alors que ouais. Vous-même, au cours de votre adolescence, je crois alors, savoir... Ceci peut expliquer cela. D'accord. C'est-à-dire que, si j'ose dire, on ne me la fait pas. Moi, mes premières manifs, et je les ai faites à l'âge de 5 ans. Hein. Je me souviens avoir manifesté petit garçon contre... Aliénés contre toutes les dictatures de ci et de là. Bon. Et lorsque j'ai atteint l'âge, passé la puberté, une certaine raison, je voyais des gens de mon âge mimer, pour moi c'était du mimétisme, rester dans cette espèce d'attitude que soudain j'ai vraiment estimé stupide, quoi. Enfin, tout ce qui est grève de la faim, pétition, manifestation, grève. Non, mais c'est tout un ensemble. Hein. C'est tout un monde militant dans lequel j'ai baigné. C'est même pas que je le méprise, c'est que il me fait rire, quoi. Enfin, rire et pleurer en même temps, je trouve ça très triste. Avec cette petite nuance quand même importante par rapport à mon milieu familial, c'est que mon père, enfin mes parents, étaient parfaitement isolés, hein, au sein de ma famille que nous fréquentions. C'est-à-dire que mon grand-père était un homme, je pense, de droite, si ce n'est d'extrême droite, hein. Et quand à mes oncles et tantes, bon, pareil, ils pensaient bien. Hein. Bon, donc, ça crée déjà des... Ça relativise, hein, les choses. Hein, ouais. Mais ville universitaire, c'est important. Parce que, quoique sans moyens, j'ai pu, habitant Grenoble, me consacrer à l'étude. Voilà. Donc, j'ai baigné dans une vie universitaire dont je veux bien reconnaître que je ne suis toujours pas sorti en réalité. Je me considère comme un universitaire. C'est-à-dire que vous allez régulièrement à la bibliothèque pour... Oui, alors, le livre, la bibliothèque, mais plus largement, la réunion de travail, la discussion, l'écoute... La parole, l'écriture, la lecture, ça forme vraiment mon univers, ouais, on peut dire. Ouais. D'accord. Et donc, vous êtes mis à fréquenter les milieux politiques. Je précise que c'était un univers donc, universitaire, mais conçu, parce que j'ai un attachement aussi assez fort qui est venu d'abord en premier, avant tout, c'est pour le sport. Hein. Je ne conçois pas, oui, non mais ça c'est... On prend les choses un peu dans le désordre, mais je ne conçois pas la vie tout court sans activité physique, hein, sans qu'on puisse se dépenser. J'ai d'abord été passionné par le sport. Ouais, ouais, c'est vrai. Quel sport en particulier ? Alors en fait ma passion, c'est pareil, c'est l'époque, hein, c'est la fin des années 70, les débuts des années 80, ce sont les arts martiaux. Hein. Les arts martiaux et en particulier la boxe chinoise. Voilà. Chinoise. Oui, chinoise. Donc, pour vous donner un exemple précis, lorsque j'avais 13-14 ans, je me levais le matin et une heure avant d'aller à l'école, je faisais déjà une heure d'entraînement dans ma cour. À la première récréation, je m'entraînais. Donc j'allais pas dans la cour de récréation, je m'entraînais. À l'intercours, je rentrais chez moi rapidement pour m'entraîner encore une demi-heure à une heure. L'après-midi, pareil. Et le soir, je reprenais une heure et je faisais une heure à une heure et demie de gymnastique, enfin d'exercice physique, voilà. Ce qui fait qu'en un an ou deux, à raison de 4 à 5 heures d'entraînement tous les jours, j'avais atteint un certain niveau, voilà. Alors après, on a tous des failles, j'en ai qui sont assez larges, et je crois que mon maître n'a pas vu qu'il n'aurait pas dû me féliciter publiquement. Voilà. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, parce qu'il est vrai que du jour où il m'a félicité publiquement devant tous les membres de l'école réunis, j'ai décroché, en fait. J'ai décroché, j'ai arrêté. C'est intéressant ça. Bah oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. J'ai décroché, j'ai été moins assidu à l'entraînement. Puis lui était le maître, mais on avait des cadres dont certains vivent toujours, hein, et pratiquent toujours d'ailleurs, je crois même à Grenoble. Et j'avoue que je chahutais, enfin je ne tenais plus. Ouais, ouais. Oui, alors puisqu'on est sur l'enfance, il faut préciser que dans mon attitude vis-à-vis de... Ah bon, l'école primaire, passons. Hein, j'ai pas de souvenirs vraiment très, très précis, mais je crois avoir été assez un étudiant normal, quoi. Enfin, pas, je dirais pas ultra brillant, mais bon, dans les premiers de la classe, mais bon, pas plus, quoi. Mais surtout pas qui se faisait pas remarquer, quoi. Bon. À mon sens, enfin, sauf sur deux, trois détails. Je les donne tout de suite ou c'est une digression? On y revient après, peut-être. Je finis. Je finis parce que... Mais faut, on reviendra sur les... On remontera le passé plus tard. ce qui est important, c'est que quand je suis arrivé au collège, parce qu'on tombe tout de suite sur des choses politiques, quand je suis arrivé au collège en sixième, je suis arrivé au collège déjà passionné d'histoire. Déjà formé à l'amour de, alors l'amour de la France par un professeur, par un instituteur avec lequel je suis d'ailleurs resté en relation, hein, qui nous racontait Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc, Napoléon, etc. Voilà. Et après, il y a eu la lecture, il y a eu les discussions, y compris les discussions avec ma mère, qui étant allemande, pouvait me parler donc de la guerre. Bon, enfin, jusqu'au jour où c'est devenu insupportable pour elle, parce qu'elle a vu que ma passion pour cette période n'était pas très rassurante. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, vous vous intéressiez en particulier à l'Allemagne nazie et à... Et au nazisme et à Hitler et à toutes ces choses-là, à l'âge de 12 ans, hein, 12-13 ans. Bon. Mais ce qui est important, c'est que quand j'ai abordé le collège, là, je me suis révolté. J'ai trouvé que l'enseignement était nul. J'ai trouvé qu'on était par... Vous savez, c'était la fin... C'est la fin de l'époque. Il y a eu une époque où on faisait des classes par niveau, c'est-à-dire on mettait les mauvais ensemble, les moyens ensemble et les bons ensemble. Je vois pas de meilleure méthode pédagogique. Mais moi, c'est l'époque où, que vous connaissez aussi, où on mélange tout et tout le monde et n'importe quoi. Bon. Et j'ai trouvé les profs nuls, en particulier les profs d'histoire, y compris les profs de français, qui ne cherchaient pas à m'expliquer pourquoi je faisais tant de fautes d'orthographe. Mais qui nous racontait, qui nous faisait lire des trucs, enfin des Barjavel, des machins, enfin l'inculture. Et donc je me suis révolté contre le collège. Et cette révolte a abouti au fait que j'ai lâché le lycée. J'ai pas poursuivi. On va dire au-delà de la seconde, j'ai décroché. Et dès la première, j'étais sur autre chose, quoi. Hein, je me suis engagé dans l'armée, donc j'ai arrêté le lycée. Et puis j'avais déjà le plan de faire du droit. Mais en tout cas, il était hors de question que je me soumette à l'épreuve du baccalauréat. Voilà, ça c'était clair. Voilà. Donc il faut bien le dire à nos auditeurs, oui. Vous n'avez pas le baccalauréat. Alors, j'ai pas le baccalauréat qu'on passe au lycée. Mais si on raisonne dans les termes, dans les catégories médiévales, la deuxième année de DEUG constitue le vrai baccalauréat. Hein, le bac de français, pardon, il y a le bac de français, puis après il y a le bac général, n'est qu'une pré-épreuve universitaire. Hein, ce n'est qu'une, je crois que ça portait un nom, le bac préalable, enfin je ne sais plus comment quel est le nom, mais le vrai bac, hein, pour être bachelier au sens universitaire médiéval, c'est le DEUG. Bon, j'ai un équivalent du bac avec la capacité en droit, ce qui m'a permis d'entrer à l'université, parce qu'en réalité, si j'ai fait du droit, c'est parce qu'il n'y a que le droit qui offre une porte d'entrée à l'université sans bac. Et cette porte d'entrée s'appelle la capacité en droit. Voilà. Donc, je ne suis pas rentré en droit pour faire du droit et je n'ai pas évité le bac parce que je voulais faire du droit. Non. Je ne voulais pas le bac, ça ne m'intéressait pas, mais je voulais faire des études. Et je voulais faire des études d'histoire. Connaissant la capacité en droit, j'ai aussitôt fait du droit. Vous avez fait du droit par défaut? C'est pas par défaut. Pour moi, le droit est une voie d'accès à l'histoire. Par la capacité en droit, je mettais un pied dans l'université et ensuite je passais aux études d'histoire. Moi, je voulais faire des études d'histoire. Voilà. Le reste ne m'intéressait pas. J'aurais pu me passionner pour les maths. J'aurais pu me passionner pour la grammaire ou pour je ne sais quoi. Mais je me suis passionné pour l'histoire. Bon. Et puis, c'est vrai, pour tout ce qui tourne autour des sciences sociales, enfin... dès la seconde, quand même, l'économie m'avait intéressé. Hein, il y avait un cours d'économie qui avait quand même vraiment retenu mon attention. Et donc, une fois dans le cursus de droit, vous décidez d'y rester. Vous n'avez pas bifurqué vers la. Ah oui, non, là, c'est pas par défaut. Non, c'est pas par défaut. Je ne me suis même pas renseigné de savoir si il était possible de faire de l'histoire avec la capacité en droit ou avec un doc de droit. En revanche, j'ai fait de l'histoire du droit. Bon, et puis ensuite, il est vrai que ultérieurement, bon, on y viendra peut-être, à moins que ce soit un peu long. C'est vrai que c'est un peu long et laborieux à détailler parce que ça prend des années, hein, des dizaines d'années. Hein. J'ai aussi fait de l'histoire à l'école des hautes études en sciences sociales. Hein, et ça pendant près de 10 ans, quoi. Hein, j'ai aussi fait de l'histoire générale, mais bien après, quelques années après la maîtrise en droit. Hein, et le DEA. Alors, dans cette école des hautes études en sciences sociales, oui, vous découvrez un système d'éducation totalement différent. Alors là, c'est un petit peu la même chose. En fait, je me suis beaucoup orienté en fonction de ce que je cherchais, en fait, et de ce que je voyais qu'on pouvait m'apporter. Bon, le collège, j'ai compris que c'était n'importe quoi. Le lycée également. Bon, les années de capacité en droit représentent pour moi vraiment mes plus belles années. C'est aussi une question d'âge, hein. J'avais 19 ans. Et pour moi, ce sont restées les plus belles années, oui. Oui. La capacité en droit est organisée pour les gens qui travaillent. Par conséquent, vous n'avez qu'un cours par jour. Et qui se déroule toujours à la même heure. Donc, tous les soirs, vous avez votre cours à 8h. À 6h. C'est-à-dire de 6 à 8. Bon. Voilà. Rien que ça, ça donne, vous voyez, une discipline. Qui permet donc de faire du sport, d'étudier, de travailler, de réfléchir. On va à son cours, et puis ensuite, il y a la soirée, etc. Oui. Bon. Mm-hmm. Ça m'a donné un modèle sur ce qu'était... D'abord, ça m'a donné mon idée du droit, vient de ces années de capacité en droit, précisément de la deuxième année de capacité en droit. Et je faisais des lectures à côté... relative à l'histoire et à la philosophie du droit, en particulier Michel Villet. Bon, il était important quand même que je me forge ma conception et que j'ai déjà une idée positive, parce que je dois avouer que lorsque je suis arrivé en DEUG, j'ai été horrifié. Je suis passé directement en deuxième année de DEUG, et là j'ai retrouvé mes compagnons et mes compagnes de lycée, et je les ai retrouvés avec horreur. Parce qu'il n'avait pas changé. Et j'ai commencé à comprendre, ce qui se confirme encore aujourd'hui, c'est que les gens ne changent pas depuis la garderie, en passant par la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, le barreau, la magistrature, tout ce qu'on voudra, la retraite, la tombe, les gens, du berceau à la tombe, les gens ne changent pas. Ils restent les mêmes. Donc j'ai serré les dents parce que j'estimais que j'étais évidemment à ma place. DEUG, licence, maîtrise. Mais j'espérais beaucoup dans le DEA parce que j'avais vu marqué diplôme d'études approfondies. Bon, et c'est le terme études et le terme approfondi qui m'intéressait, et non pas le terme diplôme d'ailleurs. Bon. Le terme diplôme m'intéressait si peu que des DEA, j'en ai enchaîné 5, je crois. 5 DEA. Ouais. D'accord. Pour vous dire que le diplôme m'intéressait pas, je les ai quasiment enchaînés en fait en éditeur libre. Parce que au DEA, j'ai été également déçu parce qu'on nous a refait le coup du bachotage, du bourrage de crâne, des salades. Bon, mais là j'ai dit ça, c'est fini pour moi. Moi maintenant j'étudie. On m'a dit d'attendre le DEA. Maintenant j'étudie. Donc j'ai fait mes études. Voilà. Ce qui m'a fait passer par des DEA d'histoire du droit, de droit pénal et de sciences criminelles, accessoirement de droit privé, de droit civil, d'histoire à l'EHESS, d'études politiques, on pourrait dire de sciences politiques, de philosophie du droit, enfin bref. Voilà. Avec finalement un DEA décroché, parce qu'il fallait un DEA pour pouvoir faire une thèse, c'est le DEA d'études politiques de l'École des hautes études en sciences sociales. Mais voyez, c'est dans cette logique, quoi, de travail. Oui, alors vous me parliez de l'EHESS, c'est important. Parce que quand je suis arrivé donc dans mon deuxième DEA, j'étais, bon, un peu déprimé. Je me disais, bon, alors, l'université, elle n'existe plus. Je dis bien, elle n'existe plus. Parce qu'ayant étudié l'histoire, on a des témoignages quand même de ce qu'est la recherche universitaire, la vraie, hein, la liberté universitaire. Et dès lors, j'ai dit, mais enfin, mais déjà, est-ce qu'on peut arrêter avec les copies à cacheter, quoi? On fait ça pendant des années, au bout d'un moment, il faut arrêter les copies d'examen et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un endroit pour étudier où on a un vrai rapport de quasiment, oui, de maître à disciple? Je renvoie à René Guénon, qui en parle très bien, de ce mode d'enseignement traditionnel, qui n'est pas le mode industriel et libéral, et bourgeois, qu'on nous impose. Et là, j'ai entendu parler de l'école des hautes études en sciences sociales. On m'a dit, ce dont tu rêves existe, c'est le HESS. Bon. Et c'est vrai que j'ai trouvé à l'EHESS quelque chose qui a continué de me former et qui m'a... Alors j'aurais pu rester là-bas, mais... Ça exigeait trop de renoncement. Je sentais que c'était pas ma place. D'abord pour des raisons idéologiques. Je pouvais pas adhérer à l'idéologie de l'EHESS parce qu'il y en a une. Hein. Il y en a une, même si ils passent leur temps à démasquer les idéologies chez les autres ou chez leurs confrères, bon, ou chez leurs collègues. Bon. C'était bien de l'histoire que vous étudiez. Là-bas. Alors non, parce que la relation, oui, j'ai étudié à l'EHESS beaucoup de choses, hein, l'histoire, la philosophie, la science politique, etc. Mais le principal était dans donc une relation, on peut dire, de traditionnelle, hein, avec le professeur de droit romain. Yann Thomas. C'est le droit romain qui m'a orienté vers l'EHESS. Je ne serais jamais allé à l'EHESS si je n'avais pas vu qu'il y avait là-bas un professeur de droit romain. Professeur qui s'était réfugié là, tout simplement parce qu'à l'université, il n'était plus question du tout de faire du droit romain. Et pourquoi ça pourrait nous emmener assez loin. Pourquoi? Vous voulez qu'on en parle? C'est passionnant. C'est tout simplement la défaite de la science du droit. Il se livre à l'échelle des millénaires, des batailles pour l'identité, pour la culture. Bon. Et l'identité, la culture occidentale, européenne, et je rappelle que l'Europe est un peuple, ce n'est pas un territoire, c'est un peuple. L'identité de ce peuple, en tout cas forgée par l'avant-garde indo-européenne, en tout cas dans le secteur latin, c'est le droit. Et c'est le droit romain. La France a été l'un des bastions du droit romain, encore jusqu'à la veille de la Révolution française, hein, malgré les assauts depuis le XVIe siècle, très dur. Enfin, on peut remonter même au XIIIe siècle, ça commence assez tôt, mais il est clair qu'au XXe siècle, le droit romain est enterré, quoi, est mort et enterré. L'enseignement, surtout la méthode d'enseignement du droit romain, a été combattu farouchement, et le contenu, c'est-à-dire la rationalité, tout simplement, alors on parle de croyance, mais il y a quelque chose de mathématique dans le droit. On veut nous faire croire que tout est question de lutte et de valeur, et que rouler à gauche ou rouler à droite, ma foi, hein, c'est la même chose, c'est une question de choix. Bon, je crois pas. Il y a un fond, il y a un contenu. Il y a une politique, il y a un programme. Il y a un programme dans le droit romain. Et on a, petit à petit, de décennie en décennie, supprimé l'étude des textes romains. Le droit romain est contenu dans des écrits qui forment l'équivalent, pour l'Occident, de la Bible pour les Juifs, de la Torah pour les Juifs, ou du Coran pour les musulmans, hein, encore que. Je vais un peu vite parce que autour du Coran, il y a tout un ensemble d'écrits juridiques qui d'ailleurs eux-mêmes doivent beaucoup au droit romain. Mais bon, passons. C'est l'équivalent des grands textes sacrés qui existent dans toutes les grandes traditions de l'humanité, en Chine, en Inde. Bon. Nous, notre savoir, ce qui fait notre être collectif, selon ma foi, hein, qui est celle de générations et des générations de juristes et d'intellectuels, c'est le droit romain, voilà. Et quelles conséquences a eu cet enterrement du droit romain ? La conséquence, c'est que vous l'avez sous les yeux, c'est-à-dire que c'est la politique, C'est le règne des médias, c'est le règne de la presse, c'est l'abrutissement, c'est les élections, c'est non seulement les députés, mais c'est également une sorte de monstre froid administratif. L'ENA, le Conseil d'État n'en étant que le sommet de l'iceberg, une monstrueuse machine qui passe son temps à sécréter des textes et des règlements et des qui non seulement dans le contenu sont mortifères pour l'Occident, mais qui en plus supposent sont accompagnés d'une méthode d'une méthode d'abruti. C'est-à-dire qu'on exige pour appliquer ces textes ce que j'appelle des abrutis. Montesquieu dirait le juge doit être la parole qui dit le texte de la loi. Voilà. Hein. Pour caricaturer comme on l'a fait jadis, le juge n'est qu'un automate. Hein. On lui glisse comme dans un ordinateur la formule de la loi et il ressort le jugement. Voilà. On a besoin de ça. Et sachant qu'on a des automates, on peut, maîtrisant le processus, c'est même plus de la loi, c'est le processus de réglementation et de mesure, on peut effectivement alors s'amuser comme on s'amuse. Alors après, ça donne tout ce que ça donne, c'est-à-dire la fin de la société, c'est-à-dire la fin déjà du noyau familial, le divorce qui permet d'éjecter le père, tout ce qui entoure l'éducation, l'assistance de l'enfant, la fin des communautés, enfin les fameux corps intermédiaires, je sais bien, ça fait un peu Action française de dire ça, mais les municipalités, toutes les entités collectives, tout ça est dissous dans ce que vous connaissez, enfin, tout ce que les économistes et les sociologues voient bien de leurs yeux. Pour moi, ça se tient. C'est-à-dire, si on revient au droit romain, la loi romaine, tout de suite, on voit que les choses deviennent sérieuses. Bon, ne serait-ce que dans la distinction entre l'homme et la femme. Voilà. Et le fait que la femme puisse se marier dès l'âge de 12 ans, par exemple. Ça, c'est une chose. Voilà. L'âge de 12 ans, la femme, est... certaines femmes en tout cas, hein, la femme pubère peut se marier. Parlons pas même d'âge. Parce que parce qu'au sein du droit romain, il y a aussi des querelles. C'est-à-dire que nous avons trace de querelles qui datent de 2000 ans et qui témoignent, ça c'est important, c'est assez guénonien d'ailleurs, qui témoignent de ce que notre décadence est un combat. Est le résultat d'assauts, d'offensives qui commencent il y a déjà 2000 ans ou 2500 ans, puisque nous avons la trace de bras de fer entre des écoles juridiques romaines traditionnalistes et des écoles juridiques romaines progressistes et modernistes. Et c'était d'ailleurs l'une des grandes thèses de mon maître, Yann Thomas, c'était de dire que la modernité n'a pas 500 ans, ça date pas des Lumières. La modernité, elle a 2000 voire 2500 ans. Et de ce point de vue-là, je peux dire que je continue son travail. Bon, avec mes modestes moyens, parce que là, il y a une différence de génération. Lui, il était latiniste, helléniste, latin, grec, vous voyez. Moi, j'ai été éduqué dans une école pour le peuple. Donc on ne nous a pas appris ni à lire, ni à écrire, ni à compter, en réalité. Hein? Le latin était prohibé. Regardez où commence la lutte contre notre civilisation, la prohibition du latin. Regardez comment les médias ont ridiculisé Jacqueline de Romilly. Vous êtes d'accord avec moi que Jacqueline de Romilly, c'est ridicule. On a l'impression que c'est la présidente du comité Miss France. Mmh. Rien que le nom, rien que poser en étendard de défense du latin quelqu'un qui s'appelle Jacqueline de Romilly, déjà la messe est dite. Et pourtant, vous ne pouvez pas avoir de renaissance du droit romain et donc de renaissance de l'Occident. Enfin, ça, c'est ma foi. Si vous n'avez pas d'enseignement du latin. Bon, voilà. Mais il suffit de ça. Il suffit de ça. Car l'histoire nous montre que, périodiquement, la renaissance, la redécouverte du droit romain provoque de grands bouleversements. Je ne dirais pas de grandes Shoah, parce que je ne vais pas me mettre à parler hébreu, mais de grandes catastrophes, parce que je crois que Shoah veut dire catastrophe. C'est hein. Ça, ouais. Bon, donc, il est clair et net que chaque fois dans l'histoire que l'université s'est reconstituée, nous avons eu des catastrophes. Voilà. Exemple, la grande réforme grégorienne, c'est une catastrophe dans l'histoire de l'Occident. au sens de René Thom. C'est un changement de forme. C'est là qu'une grande partie de notre identité se forge. C'est la renaissance du droit romain. Le XVIe siècle, la renaissance avec un grand R, c'est une renaissance du droit romain. Charlemagne, c'était déjà un retour aux sources. Et toute l'histoire de l'Empire romain, c'est perpétuellement l'effort des Romains. Et là, je vous parle comme Justinien, l'empereur Justinien qui a compilé le Corpus Juris Civilis. C'est une tentative de renaissance. Lui avait cette foi. Comme quoi l'Empire renaîtra grâce au droit. Les armes et les lois. Voilà. Il faut la guerre, mais il faut aussi le droit. Bon. Voilà. Même s'il s'y est mal pris, hein, Justinien. On peut broder encore. Napoléon, le code civil, c'est la même. Sauf que le code civil, c'est une catastrophe. Parce que le code civil est venu se substituer. Même si, en français, en langue française, il véhicule le cœur du droit romain. Hein, toute la casuistique romaine transparaît dans le code civil. Et c'est l'essentiel, dès lors qu'on a la méthode pour l'interpréter. N'empêche que ça a été la mort de l'étude du droit en latin. Ça, c'est sûr. Et donc, à la suite de ces 5 DEA, vous entreprenez un doctorat. Sur quoi porter cette thèse ? Alors, on a sauté une étape. Ah, l'étape du monastère ? Voilà, c'est ça. Allez-y. Voilà. Parce que, bon, je suis quand même de mon temps. Hein, et dès lors que vous faites 2 DEA, qu'en plus vous ne décrochez pas le diplôme, qu'ensuite vous faites une année qui est dite sabbatique... Comme si c'était une année, vous avez vu ce que ça veut dire, c'est sabbatique, hein, c'est le sabbat, sabbat des sorcières. Bon. Alors c'est une année où j'ai par exemple cherché à relancer la machine, à étudier tout en étant inscrit à l'université, en fréquentant des cours. Enfin j'ai passé pas mal d'années comme ça, des années d'études qui étaient... Je me refusais d'entrer dans la vie active en fait. Hein. Je me disais si je mets un pied dans la vie active, je vais être broyé. Je reviendrai jamais aux études. Et c'est vrai que je voulais aller jusqu'à une thèse, quand même, pour décrocher ce titre, mais c'était pas le titre en soi qui m'intéressait. C'était tout ce que suppose une thèse. Des années de lecture, d'écriture, un apprentissage, de la note de bas de page, de la bibliographie, de l'alinéa, la culture du paragraphe, la phrase, et puis la soutenance. La soutenance, bon, tout ça débouchant évidemment sur un titre, mais la soutenance est une fin en soi pour moi. Hein. L'épreuve que l'on vit face à un jury, c'est une sorte de procès. C'est un procès. On a des... bon, bref. Mais je n'avais pas de DEA. Bon, et n'ayant pas de DEA, et puis les années passées. Et alors il y a tout le temps les gens autour de vous en bibliothèque et ailleurs qui n'arrêtent pas de vous parler de la carrière. Et la carrière universitaire suppose un parcours rectiligne. Depuis la crèche jusqu'à la thèse, il ne faut pas faire un pas de côté. Sinon, vous êtes mort. Voilà. Donc moi, j'étais mort, mais en même temps, je voulais bien continuer à vivre, à survivre. Bon. Et donc, je voyais bien qu'arriver à... Alors, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, mais après 10 ans d'études à l'EHESS et comme ça... J'approchais la trentaine. Et je commençais sérieusement à m'inquiéter sur... j'approchais la quarantaine même. Hein. Enfin, on fera les calculs un autre jour. Et je voyais que j'avais pas le ressort. Bon, par ailleurs, bon, là ça serait peut-être un peu compliqué, mais et c'est vrai qu'il y a une chose aussi qui me bloquait. Qui m'empêchait d'avancer, de me lancer à la fois dans la vie active et en même temps de me lancer à corps perdu dans les études ou dans une quelconque carrière universitaire, c'était la question de la vocation. Voilà. Alors, n'y voyez pas des visions mystiques ou je ne sais quel appel, je n'ai pas entendu de voix, c'est plus maurassien que ça. C'est-à-dire, c'est toujours le fruit de l'étude et même de la lecture de Max Weber et de Georges Sorel, tout simplement. Il était clair pour moi que notre monde ne nous interdisait, avec la vie qu'il nous force à mener, nous interdisait de réfléchir et de comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive. Et on entend dire que depuis des siècles et des siècles et des siècles, si l'Occident tient, c'est grâce au monastère. parce que ce sont des havres de paix qui permettent l'étude. Et toutes les grandes révolutions, dit-on, sont sorties des monastères. Quand je vous parlais de la révolution juridique avec la réforme grégorienne, elle a été préparée pendant des siècles dans les monastères. Bon. Donc je me suis dit, c'est tout simple, il faut remettre en vigueur la vieille recette. Donc je voulais rentrer au monastère. Bon, alors, c'est un peu compliqué de rentrer au monastère de nos jours, parce qu'on réclame quasiment une sainteté d'emblée. Et puis il y a toute une série d'épreuves, enfin tout est fait pour dissuader. C'est pas étonnant que les monastères soient vides, hein. Si on les ouvrait comme ils devraient l'être, non pas vers le monde, mais si on ouvrait les portes pour que les gens puissent s'y réfugier et y étudier et y prier, je pense que déjà les choses iraient autrement. Bon. Je peux témoigner que c'est très compliqué d'entrer. Bon. J'ai quand même fini, et puis pour en avoir le cœur net, parce que je ne pouvais pas non plus passer à côté du monastère, avec toujours ce doute de savoir que c'était peut-être la bonne solution. Et la seule solution. Bon. Je suis donc rentré dans un monastère bénédictin, bon, où je m'apprêtais à faire profession, quoi, enfin, devenir moine. Bon. Alors, c'est un petit peu ambigu parce que il y a trois choses pour simplifier. D'abord, j'ai eu confirmation qu'effectivement cette vie-là est une vie, est une belle vie. Bon. Et là, je dénonce tout de suite les calomnies et les mensonges d'expérience, les mensonges francs-maçons, vous savez. Pour les francs-maçons, un monastère, c'est un lieu de débauche. Vous voyez? Bon. Donc là, moi, je témoigne. Hein. Quand vous êtes dans la vie monacale, vous n'avez pas le temps de la débauche. Vous êtes au travail. Moi, je travaillais les champs, je conduisais un tracteur, je maniais la tronçonneuse, je déracinais des arbres, j'en plantais. Vous êtes dans la prière, vous priez constamment, et vous êtes sous la surveillance. Vous êtes dans une vie communautaire constante. Donc vous êtes tout sauf seul. Bon. Et par ailleurs, vous n'avez évidemment pas toutes les sollicitations du monde, à commencer par les affiches pornographiques qui sont étalées dans les villes, hein, aux yeux de tous. Bon. Donc, les choses sont claires. La question se pose pas. Vous êtes dans le travail. Vous êtes dans l'étude. Donc je confirme que ce sont les bonnes conditions pour faire du bon travail. J'ai énormément travaillé. J'y suis resté un an. J'ai énormément travaillé. J'ai pu achever mon mémoire de DEA que j'ai présenté ensuite. J'ai pu planter les fruits qui ont donné ma thèse et qui donnent encore les livres que je publie aujourd'hui, hein, chez Contre-Culture. Bon. Ceci étant, on me demandait de renoncer à l'étude, telle que je la menais, quoi. C'est-à-dire, il faut retrouver l'enfance spirituelle. Bon, ça, on peut le faire à 16 ans, mais demander à un homme de 40 ans de repartir à zéro et d'oublier tout ce qu'il a appris, bon, c'est un petit peu difficile, quoi. J'aurais pu commencer le séminaire pour devenir prêtre si j'avais eu 18 ans. Bon. Mais d'ailleurs, bon, enfin, puisqu'on parle de ma vie, j'ai voulu le faire, hein, à 17 ans. J'ai omis de vous le dire. Je me suis rendu à l'évêché, je me suis proposé pour devenir prêtre. On m'a demandé de passer le bac. Comme quoi ? Voilà. Nous sommes cernés. Nous sommes cernés. Bref, ça c'est la deuxième chose. Il ne voulait pas que vous étudiez. Non, voilà, il fallait renoncer à ma thèse, il fallait renoncer à mes études, il fallait renoncer au droit, il fallait, bon. On me faisait informellement une promesse que je ferais du droit canonique, mais en gros, il fallait que j'arrête et que je me concentre sur le petit Jésus, quoi, l'amour de Jésus, quoi, voilà. Bon. Donc ça va pas très loin. Je crois que la croix, bon, enfin bon, on n'est pas là pour ça. Mais enfin bon, j'ai aussi mon credo sur la crucifixion, sur le Christ en croix. Bon, mais ça c'est autre chose. Moi j'ai pas, enfin bon, le côté. En fait, l'Église souffre évidemment. Enfin c'est peu de le dire. Hein. Je veux dire, les évêques sont des vendus. Et puis alors, je supporte pas le courant charismatique. Enfin, je veux dire, frapper dans les mains. Les machins comme ça, les trucs. C'est insupportable. Insupportable. Et je l'ai vu de l'intérieur. Hein. Parce que quand vous êtes moine, vous ne croyez pas que vous êtes tout seul dans votre cellule. J'ai connu, à l'époque du monastère, une vie sociale d'une richesse que je n'ai jamais retrouvée depuis et que je ne l'avais jamais connue avant. Vous êtes perpétuellement dans les mondanités, dans les discussions, dans les conversations, dans les trucs, dans les visites. Vous recevez la visite des uns, des autres. Vous faites des tournées. J'ai visité comme ça des communautés charismatiques. Des trucs abominables, quoi. On aurait dit des villages schtroumpfs. Enfin, c'est ridicule. Passons. Oui, je voulais dire trois choses. Donc, d'abord, j'ai eu confirmation que c'est là qu'on pouvait travailler. J'ai pas pu continuer là-bas. Oui, si. Alors, ce qui est important, c'est qu'évidemment, ça m'a appris la méthode. Ça m'a recadré sur la méthode de vie, effectivement. Il y a des règles très simples qui permettent de lutter contre la vie moderne. Voilà. Donc ça permet effectivement de... Et les monastères ne sont que les héritiers des écoles philosophiques gréco-romaines. Enfin, c'est issu du monde antique, hein, le monastère. C'est mon maître, encore une fois, Yann Thomas, qui disait « Le monastère est une école de vie ». Ce sont des écoles de vie. Voilà. Platon était un maître spirituel, mais un maître de vie, quoi. Il expliquait à ses étudiants à quelle heure se lever et quoi manger aussi. Ça, on nous le dit pas, mais ça faisait partie de la... C'était une vie communautaire. Bon, voilà. Ça, c'est une chose. Donc, sorti du monastère, en fait, j'ai arrêté de piétiner, de tergiverser. Certaines personnes qui me suivaient de très près... m'ont donné ce témoignage, m'ont dit qu'ils ne me reconnaissaient pas et qu'ils étaient atterrés. C'est-à-dire qu'il y avait dans les années précédentes, précédant le monastère, un côté un peu quand même dépressif, hein. Pour le moins déprimé, hein, voire dépressif. Bon. Et j'avoue qu'ensuite, je suis ressorti comme on sort d'une tranchée, quoi. Mais la même expérience m'était venue pour commencer mes études. Parce que de mes années de lycée, j'étais devenu un peu mou, quoi. Hein, ça m'avait un peu ramolli. Troisième, la seconde, la première. Sans fumer de hashish comme la plupart des autres lycéens, c'était un peu relâché comme vie, hein, à me lever tard, etc. Enfin bon, bref. Et l'armée, l'engagement dans l'armée m'avait quand même remis d'aplomb. Et c'est l'armée, c'est la discipline militaire, en fait, qui m'a permis, alors que j'étais donc ascolaire, ça c'est marqué dans mes carnets de correspondance et dans mes fiches de discipline, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de discipline au collège et au lycée, individu ascolaire. Voilà, il n'est pas fait pour l'école. Bon, il est doué, mais il ne fout rien et il n'est pas bon pour l'école. Bon. De ça, je suis devenu universitaire. Et les enseignants, je peux quand même dire ça, j'ai été reconnu par les enseignants, hein, comme, voire même comme l'un des leurs. Puisqu'un enseignant m'a dit un jour, « Monsieur Viguier, vous allez faire une grande carrière. » Puis là, bon, mais ma foi, je ne le dément pas. Et donc là, le monastère... vous met en condition pour entreprendre ce doctorat. Oui, c'était important. Important. Oui. En condition, et puis moi, ma thèse, je l'ai faite grâce à l'Église. Il faut reconnaître quand même, hein, nos dettes. Si j'avais pas eu les lots comment ça s'appelle la prière du soir. On a le matin et le soir, voilà. Donc, en fait, y a les lodes. Et les... Ah zut, ouais, vous voyez, c'est la preuve que ça fait un paquet d'années que j'ai décroché. Mais il y avait les prières, donc la récitation des psaumes le matin, le chant, que j'allais dans ma paroisse, après, en tant qu'étudiant. Mmh. Donc je commençais par faire du sport. Bon, mon régime de thèse, c'était lever à 4 heures, footing, natation, office, donc la prière, bibliothèque, office et coucher. Voilà. Ça, c'était le régime de croisière. Ah oui, ça a été comme ça. Ouais. Une vie assez staccanoviste. Oui, ça a été ça, voilà. Et le sujet de thèse ? Alors, le sujet, c'est le genre de choses qui m'avait posé un peu des problèmes. C'est le choix, comment on choisit son sujet, parce que j'avais peur de me... Parce que l'université est très forte pour ça aussi. pour vous filer des sujets un peu, comme on dit, des espèces de peau de banane, c'est-à-dire des trucs qui vont vous castrer. Mmh. Vous voyez, qui vont vous enfermer dans un truc. Vous voyez, on casse des carrières comme ça. Les profs savent très bien faire ça. Ils vous donnent un sujet bidon et puis parce qu'il y a un sujet test, c'est important. Hein, ça va vous former. Vous allez passer 8 ans à travailler sur une question. Bon. Donc après avoir fait le point périodiquement, j'ai eu à faire le point de loin en loin sur les choses qui méritaient une étude, et je m'étais concentré sur la notion de personne, hein, la personnalité juridique, et je l'étudiais au travers de toute une série d'institutions difficiles qui parce que voilà, ça c'est lié à la méthode du droit romain. En fait, les idées, les notions juridiques, comme la personne par exemple, on ne peut la comprendre qu'au travers des cas complexes qu'elle aide à résoudre. Voilà. Par conséquent, la compréhension de la notion, elle est dans les institutions difficiles. Voilà, comme l'indivision. Hein. Dès que vous avez deux personnes propriétaires de la même chose, dans une forme de communisme, vous avez une situation compliqué à penser et également à vivre et à organiser. Bon, donc c'est pour ça que mon sujet s'est restreint après sélection mûrement méditée à l'indivision. L'indivision, voilà. Et j'ai donc produit 600 pages ou 800, je ne sais plus, 600 pages, 800 pages sur l'indivision successorale. Voilà. Mais ça s'appelle persona ficta, la personne fictive. Voilà, ça porte ce nom-là. Et au préalable, il y avait eu un texte important qui est mon mémoire de DEA, que j'ai écrit en partie, donc celui-là au monastère, et qui porte sur les notions d'autorité et de pouvoir. Auctoritas et potestas. Voilà, sous l'angle de cas encore, de cas compliqués. Voilà. Et donc là, survient la soutenance de thèse. Ouais. Racontez-nous. Vous voulez que je vous raconte la soutenance de thèse? C'est un moment important, que j'ai moi-même vécu d'ailleurs. Oui. Non, mais pour moi, c'était un moment également important. Mais vous savez, la soutenance, on est encore dans les titres et dans les diplômes. C'est le moment où votre directeur de thèse, en particulier, et le président du jury, vont décider si, du point de vue de l'université, ils ouvrent ou ils cassent votre carrière. Et... Bon, moi, je me faisais pas d'illusions. Hein. J'arrivais avec 10 ans, avec des années de HESS, avec tout un parcours. J'ai soutenu ma thèse ailleurs que dans mon université d'origine. Vous imaginez bien que ça se fait pas. Bon, j'avais dépassé l'âge, en fait. Bon. Donc, j'étais pas parti sur une carrière. Bon. Alors, le fait est que, du point de vue des gens très scolaires, je n'ai pas eu la mention la plus extrême. Vous savez, c'est très honorable avec les félicitations du jury. Hein, je crois que c'est ça. Moi, j'ai eu tout simplement, je sais plus, je voudrais pas commettre de falsification qu'on me reprocherait. En fait, c'est vrai que je m'en fous un petit peu, mais j'ai eu la mention juste en dessous. Néanmoins, avec la précision que le jury me félicitait quand même ou me remerciait pour la qualité assez exceptionnelle de cette soutenance. Bon, mais moi, de mon point de vue, de ce point de vue-là, si vous voulez, du point de vue scolaire et du papier, on pourrait dire que la soutenance s'est mal passée. En tout cas, c'est vrai que mon directeur de thèse, Alain Sériot, que je salue ici au passage, ne m'a dit « vous n'êtes pas fait pour l'université ». Bon, il a peut-être raison, sans doute qu'il a raison, je ne sais pas. Oui, peut-être. Mais vu ma nature et mon caractère, moi, j'aurais voulu pouvoir pénétrer l'université, hein, et pouvoir y travailler de l'intérieur, hein, pour tout y casser. Voilà, tout simplement. Pour tout y reconstruire, plutôt. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'université en tant que chargé de TD, en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et je n'ai pas perdu une minute. Je ne suis pas le genre à dire, comme on me l'a demandé, d'attendre d'être à la retraite pour faire ce que je... ou d'attendre d'être agrégé pour pouvoir commencer à jouer les révolutionnaires. Ça, j'y crois pas une seconde. Non, j'ai d'emblée commencé. Ce qui a fait que dès mes premiers travaux dirigés à Amiens, L'université était en émoi. Les étudiants étaient pour la moitié en révolte, pour l'autre étaient devenus tous complètement exaltés. Et on a dit, Viguier, c'est fini, il ne fera pas une deuxième année. Donc je suis parti de Amiens et je suis parti ensuite. Bon, j'ai fait des TD un peu partout, ça ne s'est pas toujours mal passé comme à Amiens. Ville de Macron au passage et de Belkacem. Mmh. Mais bon, jolie ville aussi. Hein. Bon, je salue d'ailleurs tous les étudiants dont je me souviens, enfin les meilleurs, parce que en fait, voilà, j'avais un défaut, je faisais mon cours pour les meilleurs. Je ne me souciais pas des autres. Et donc ça, c'est évidemment, c'est pas démocratique, vous imaginez bien. Bon. Mais c'était un moment très important dans ma vie, l'enseignement à l'université. J'ai enseigné à Paris 1, j'ai enseigné à Évry, où là, je me suis heurté à de petits caporaux, notamment une sorte d'énergumène qui voulait faire l'original... En faisant courir le bruit qu'il était un fan des Beatles. Ça fait très classe, vous êtes agrégé en droit et en plus vous êtes fan des Beatles, ça casse un peu les codes, les codes avez, ouais. C'est génial, hein, bon. Lui aussi il m'a viré d'ailleurs, bon. Mais j'ai comme ça fait successivement fait plusieurs universités. Il y a une université dans laquelle je me suis senti bien, où ça s'est bien passé. Et là, je veux rendre vraiment hommage hein, et témoigner ma reconnaissance, notamment à... Enfin, peut-être si je dis son nom, ça peut lui porter ombrage, parce que maintenant, je suis marqué égalité, réconciliation et contre-culture, donc je ne voudrais pas faire de tort à personne, mais c'est l'université de Caen. Voilà. Voilà. À Caen, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que... Dès les premières séances de TD, de travaux dirigés, hein, je faisais 6 séances de TD. Il y a eu des émeutes, enfin, c'est-à-dire des groupes d'étudiants et d'étudiantes surtout sont allés se plaindre aux professeurs d'université, aux professeurs d'amphi, dont je faisais les TD. Ils sont allés se plaindre en comité, quoi. Viguier, on comprend pas. C'est toujours l'argument, on ne comprend pas. Bon. Et donc, le professeur m'a dit, c'est très important parce que c'est un professeur qui, dans les années avant, avait eu de gros conflits très durs avec d'anciens chargés de TD. Et elle était vue comme étant vraiment pas sympa avec les chargés de TD. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, vous allez faire comme ci et comme ça pour votre TD. Et moi, je vais venir dans votre TD pour le voir et pour le valider. Je dis, écoutez, avant de me dire comment je dois faire, pour que vraiment on en ait tous le cœur net, je vais faire comme d'habitude, et effectivement, vous allez venir, vous allez me dire. Mmh. Bon. Et donc, elle est venue assister à mon TD. Ce qui ne se fait pas. Hein, non, ça. Ce qui ne se fait pas, et puis ce qui terroriserait n'importe quel chargé de TD. Mmh. Le jour où nous faisons la révolution, Vincent Lapierre, nous irons dans les TD de nos chargés de TD, pour les mener à la baguette, et nous leur ferons peur. Ils peuvent commencer à trembler, ceux qui aujourd'hui ne sont que étudiants au collège, au lycée ou à l'université. Nous arrivons. Notre vengeance sera terrible. Non, je plaisante parce que c'était un moment très important. Hein. Voilà une épreuve quasiment aussi importante qu'une soutenance de thèse. Et j'ai fait mon TD, comme d'habitude, et à la fin, elle est venue me dire c'est comme ça que nous devrions faire. C'est vous qui avez raison. C'est vrai, nous ne travaillons pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors vous devriez simplement être un peu plus pédagogue sur ci, sur ça, marqué au tableau, quoi, un petit peu plus scolaire. Bon. Mais c'était approuvé. Et du coup, les étudiants, ça les a rassurés aussi. Mmh. Ça les a rassurés. Et les 2 ans, non, 1 an, je ne sais plus si j'ai fait 1 an ou 2. Non, je crois que j'ai fait qu'un an à Caen, là encore. C'était ma... c'est donc très, très bien passé. J'en ai gardé un très bon souvenir. Bon, dans d'autres universités aussi, ça s'est bien passé. Il ne faut pas être injuste. Hein. À Paris, j'étais à Paris. Paris, je ne me souviens plus du numéro, mais c'est une université de la proche banlieue parisienne. Voilà, où là, ça s'est bien passé. Donc, la soutenance. Pour répondre à votre question, pour moi, c'est déroulé comme il fallait qu'elle se déroule. Hein. J'étais confronté, donc, comme ça doit se faire, hein. Avec un échange avec Frédéric Zenati, un échange avec Laurent Fombostier, un échange avec Yves Lequette, un échange... Alors, il ne faut pas que j'oublie la seule qui m'a vraiment félicité et qui était complètement enthousiasmée à la lecture de ma thèse. Oh là là, c'est, vous voyez comme quoi, on se souvient plus facilement des gens qui nous font du mal que de ceux qui nous font du bien. Elle est à Perpignan. Elle fait d'ailleurs de la politique. Donc comme ça, je ne la nomme pas. Voilà, c'est un lapsus qui a une raison, c'est que je ne veux pas lui causer du tort. Voilà. Parce qu'elle n'est pas de notre bord, mais je la salue et j'espère pouvoir la saluer physiquement. Un jour. Et mon directeur de thèse, non, Alain Sériot, quand même, n'a pas été très fair-play, puisqu'il a dit bon, nous avons des avions à prendre, et pour ma part, je parlerai, mais vous ne pourrez pas me répondre. Voilà. Et puis il m'a balancé toute une série de choses comme ça, comme quoi il avait découvert un écrivain. Voilà. Ce qui est une mise à mort dans l'université. Il m'a dit que j'avais inventé un nouveau genre littéraire et que j'étais un écrivain. Et c'est là qu'on retombe sur les ouvrages contre-culture, parce que j'étais démasqué en tant qu'écrivain. Et quelque part, j'étais un peu flatté. Voilà. Et ça fait écho à quelque chose de très très loin, puisque la première fois que j'ai été démasqué comme ça, c'était en cours préparatoire, où nous avions rédigé des choses, nous commencions à apprendre à écrire, et l'instituteur, enfin, je suis désolé de vous raconter ça, parce, enfin, ça fait un peu où je me vante, hein, mais bon, j'ai aussi le droit. Bon. Bien sûr. L'instituteur arrive, il avait, vous savez, à l'époque, vous n'avez pas connu, c'était renéotypé. C'était pas des photocopieuses, c'était des espèces de feuilles à l'encre. C'était des trucs avec un encre un peu délavé, bleu. Enfin, c'était renéotypé, coupé au ciseau. Enfin, c'était... Et il distribue à toute la classe des petites feuilles. Et il dit, nous avons un poète parmi nous. Voilà. Et il avait édité les 3-4 phrases, ou peut-être les 2-3 phrases que j'avais écrites pour l'exercice. Voilà. Et donc, on en vient à vos ouvrages contre-culture. Comment l'idée vous est-elle venue d'écrire des livres didactique sur le droit? Alors, c'est plus qu'une idée d'écrire, moi je l'ai ressenti, c'est un petit peu banal, mais comme un impérieux devoir et une obligation, une charge, dont je me serais bien passé. Mais c'est qu'arrivé un moment de l'engagement dans la recherche, de l'engagement dans les études, dans la lecture, dans la compréhension des choses, vous ressentez comme une sorte d'appel à l'ordre. Vous avez beaucoup, beaucoup reçu, ça vous a formé, ça vous a forgé, ça vous a transformé, vous êtes donc devenu un connaisseur, enfin un intellectuel ou un juriste, vous participez d'un monde qui, entre autres choses, vous enjoint de témoigner et de transmettre à votre tour. Voilà. Et de laisser une trace de ce que vous avez compris. Donc, l'écriture n'est pas un plaisir, n'est pas une partie de plaisir. Et c'est dans la Bible qu'on lit ça, « Maudit soit le jour où ma mère m'a mis au monde ». Et moi, on pourrait dire quasiment « Maudit soit le jour où je suis venu au monde de la parole ». Maudit soit le jour où j'ai appris à écrire et à lire. Maudit soit le jour où j'ai mis les pieds dans l'université, dans une faculté de droit. Mais c'est comme ça. Je le vis comme un calvaire et comme une croix. Je le fais, mais j'ai pas toujours eu facilité à le faire. Il y a eu des périodes très longues de blocage, notamment avant la thèse. Mais donc, voilà comment l'idée a toujours été là. Alors, à travers ces ouvrages, vous abordez des thèmes très différents, très distincts. Quel est le fil directeur de ces livres? Alors, vous trouvez que les thèmes sont distincts, mais pour un juriste, normalement, c'est assez cohérent. Hein, c'est toujours l'angle juridique qui permet de faire le lien. Alors, je sais pas si... Pour synthétiser, le premier est traité de la famille. Le deuxième, des thèmes plus économiques. Oui. Et le troisième, le terrorisme. Oui. Oui. Alors, quel est le dénominateur commun? Moi, ça, c'est un petit peu à la relecture que je découvre le dénominateur commun. Non, mais il faut voir aussi comment j'écris et pourquoi j'écris. Je n'écris pas pour livrer un travail... comment dire vraiment tout cuit. Hein. Pour moi, écrire, c'est aussi une façon de me comprendre, enfin de comprendre, ou que d'autres me comprennent. Mais il y a des choses... Le fil et la compréhension, je la dégage en me relisant ou en prenant le recul. Bon, je crois que la détestation du libéralisme pourrait être une façon de résumer les choses. La détestation du monde moderne. Bon, là, on vient d'avoir l'élection de Macron. Il y a beaucoup de gens qui aiment le monde moderne, qui aiment le libéralisme, qui aiment cette société. Mais je le sais que beaucoup de gens l'aiment. Ces gens, je les ai fréquentés à l'école, je les ai fréquentés au collège, je les ai fréquentés au travail, je les ai fréquentés à l'université, je les ai fréquentés dans la vie. Il y en a de partout autour de nous. Moi, personnellement, je ne peux m'y résoudre. C'est un monde que je vomis. Et je pense qu'il nous mène à la catastrophe la plus absolue. Voilà, c'est comme ça. Et donc, le trait commun, que ce soit sur la famille, sur le capitalisme, hein, pour l'économie, ou sur la façon dont on mène la guerre, c'est une critique de ce que les puissances actuelles nous imposent, en fait, de vie. Voilà, de vie et de mort. Voilà. Mais c'est pas dit comme ça dans les livres. Quand j'aborde la famille, le lien, si, il est écrit quelque part, mais au passage, je fais des ouvrages techniques qui sont destinés, d'une part, aux techniciens, et d'autre part, aux non-techniciens, pour les initier à la technique juridique. Voilà. Donc... Et pour les écrire, vous vous alimentez de votre vécu. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure avant l'émission. Oui, c'est-à-dire que mon livre sur la famille, je ne l'aurais jamais écrit si je n'étais pas devenu avocat et si je n'avais pas eu des procès en divorce, si je n'avais pas vu ce qu'était la réalité du drame, on peut dire du génocide, parce que le mot ne veut pas dire grand-chose, le génocide culturel, mais pas seulement culturel, que nous vivons. Hein, avec le problème de la défaite de la paternité, le malheur des enfants, et puis le malheur des femmes aussi. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Et c'est parti de loin, parce que on parlait de l'HESS, le livre parle en premier du mariage homosexuel, mais la réflexion sur cette question, sur le genre, hein, sur la distinction des sexes, remonte à l'école des hautes études en sciences sociales, puisque Yann Thomas, le professeur dont j'étais l'assistant, était un auteur d'avant-garde sur ces questions, dans la recherche. Mmh. Et ses travaux, d'ailleurs, ont été récupérés par les gender américaines, par les féministes. Bon. Et je connais très bien ses travaux, puisque j'ai aussi travaillé pour éditer ce qu'il avait écrit. Voilà. Donc, ça signifie que ça remonte déjà à l'époque du Pax. Et puis là-bas, j'étais aux premières loges, parce que c'était les débats sont les mêmes. Voilà. Donc, c'est aussi l'actualité. Le deuxième, pareil, commence avec des lois. Je commente même un projet de loi. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre un peu d'avance. Et donc, on n'est plus sur la critique ou le commentaire des lois, on est sur le commentaire et la critique des projets de loi ou des avant-projets. Et le troisième, c'est également sur l'actualité. Et là, je traite de dossiers. Ce sont les dossiers que j'ai. C'est la défense d'Alain Soral qui m'apprend des choses sur le crime contre l'humanité, sur la lutte contre le terrorisme et sur l'oppression dont les intellectuels en France sont victimes. C'est la défense des Syriens qui me fait prendre connaissance du dossier de la guerre en Syrie. C'est la défense de Carlos qui me fait prendre connaissance du dossier sur le terrorisme ou sur la Palestine ou sur voilà. Et effectivement, je ne peux pas me diviser et les journées non plus ne peuvent pas se diviser. Donc, je prends la profession d'avocat, je la prends à bras le corps et j'en fais également un instrument de recherche, puisque le travail d'avocat me donne accès à des cas, Et je reste fidèle, d'abord juridiquement, mais aussi dans la tradition des sciences humaines, à la méthode des cas. Parmi les fruits de cette recherche, on a également les conférences que vous donnez à travers toute la France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience un peu atypique pour un avocat ? La conférence, ça rentre dans le cadre des choses que font les avocats. D'accord, enfin, okay. Au Grand Orient de France, vous avez régulièrement des avocats qui font des conférences. Non, être conférencier pour un avocat, c'est la gloire. D'accord. C'est la gloire. Ah oui, oui, oui. Non, mais d'ailleurs, je peux être fier de ça. Je suis effectivement conférencier, bon, voilà. Mais grâce à Égalité et Réconciliation et à l'accueil des sections d'ER, et puis d'autres aussi. J'ai donné des conférences dans d'autres cadres. Au passage, je remercie d'ailleurs, parce que l'abbé de Tannouarn, par exemple, c'est le premier qui m'a donné la parole. Hein, une conférence sur Michel Villet, vous voyez, je n'ai pas oublié. Et c'était il y a longtemps. Donc, la conférence... Je dirais que ce qui est atypique, c'est que vous ayez un public qui soit intéressé par ces thèmes juridiques. Parce qu'il y a malgré tout une complexité. Alors, voilà. Je pense que la réponse, elle est dans la façon dont on a parlé de mes sujets. C'est-à-dire que je les présente pas comme de purs sujets techniques. Ça, c'est clair. Justement, comme je l'ai expliqué, moi, j'ai fait des efforts... surhumain et c'est pas de mes propres forces uniquement que j'ai réussi à sortir du carcan, enfin que je fais constamment l'effort de sortir du carcan idéologique où on est. Donc effectivement, mes recherches sur la famille ne sont pas de purs traités juridiques pour techniciens sur la famille. Ce sont des cris d'alarme et des clés pour arriver à comprendre et à démonter le mécanisme de l'oppression. Dès lors, grâce aux médias qu'est Égalité et Réconciliation et à la ligne politique de ce mouvement, il se trouve que dans le public, à des conférences données par un juriste et par un avocat, on a des informaticiens, des musiciens, des cinéastes, des ouvriers, des agriculteurs, des femmes au foyer, etc. Ça, c'est ça. Et des juristes, évidemment, des notaires, des avocats, etc., des magistrats. Bon, voilà, c'est effectivement une particularité. C'est une curiosité. Et une victoire. Oui, une victoire ou même une surprise. Mmh. Une surprise. Mais voyez, par exemple, je peux vous donner un exemple de clé, par exemple, sur ces histoires de GPA et de PMA. Plutôt que de se battre un peu, moi, la lutte contre la GPA et la PMA me fait l'image de gens qui se taperaient la tête contre un mur, ou qui iraient dans le mur. Il faut savoir et il faut comprendre, si vous voulez avoir un pas, même pas d'avance, mais être au pas par rapport à vos adversaires, que les instruments juridiques... pour permettre tout ce qu'on veut en matière de filiation, ces instruments existent. C'est comme le mariage homosexuel. N'a rien, dans un monde technique où il n'y a soi-disant plus de valeur, de jugement de valeur, dans un monde technique, l'hérésie du mariage de deux hommes ou de deux femmes est possible. Mais le mariage avec un animal le sera tout autant, hein. Il n'y a pas d'obstacle à se marier. Je crois qu'il y a des courants déjà qui plaident pour la reconnaissance de l'amour entre l'homme ou la femme avec son chien ou sa chienne. Alors, Maître Viguier, il y a un travail très important que vous faites également et qu'on retrouve dans ce livre qui est sorti également aux éditions Contre Culture, Pierre Berger Censeur. Ah oui. C'est de finalement éclairer ce qui se passe à l'intérieur des salles d'audience. Oui, ça c'est important, mais pour des raisons dont j'ai déjà parlé. Quand un client vient me voir, je cherche à le défendre du mieux que je peux. Et quand je vois que c'est un client qui est poursuivi pour ses idées politiques et qu'on cherche à le faire taire en le condamnant, je sais. Parce que c'est marqué dans certains livres sur la stratégie de lutte contre les mouvements politiques, etc. C'est très, très précis. Que ce dont le pouvoir a le plus peur, c'est que l'on vienne dénoncer son entreprise. Parce que fait le pouvoir ? Il détourne le procès, qui est là normalement pour régler des différends et pour instaurer la paix sociale. On détourne le procès pour pouvoir opprimer l'adversaire politique. Bon. Et dénoncer ça, c'est déjà une victoire remportée sur l'oppression, sur celui qui opprime. Voilà. C'est pour ça que lorsque je défends Alain Soral, par exemple, il est important que les gens soient informés que des procès ont lieu, que des condamnations sont prononcées, pour quelles raisons. Et dans quelles conditions. Et dans quelles conditions. Et l'un des instruments, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ou alors je l'ai réinventé, consiste, par exemple, à faire des comptes rendus de l'audience, des comptes rendus de la manière dont les audiences se sont déroulées, en publiant des notes d'audience, par exemple. C'est une technique. Alors effectivement, puisque moi-même je m'y rends justement pour rendre compte sur ERTV de ces audiences, effectivement la réflexion que ça suscite systématiquement chez moi, c'est un peu cette phrase qu'avait eu Henry Ford concernant l'économie. Si tout le monde savait comment fonctionnait la finance internationale, il y aurait une révolution le lendemain matin. Ah oui. Lorsqu'on se rend à une salle d'audience pour ses procès, que ce soit d'Alain Soral, de Dieudonné, de Robert Forisson, on se dit systématiquement, et je ne suis pas le seul, si les gens voyaient ces procès, il y aurait une révolution le lendemain matin. Et entendez ou lisez. Parce que si tout ce qui se dit était écrit, comme ça a lieu, paraît-il, dans les procès anglo-saxons, les gens verraient qu'il y a vraiment mal donne. Ou s'ils pouvaient être présents, ou si ça pouvait être retransmis. Bien sûr qu'ils le verraient. Mais c'est bien pour ça qu'il y a une forme de huis clos déguisé. Et c'est contre ce huis clos déguisé que nous luttons. Que je lutte pour la défense de mon client, évidemment. Damien Viguier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur Lapierre, c'est moi qui dois vous remercier. C'est vous qui m'invitez. J'ai accepté avec plaisir. Alors, on rappellera à nos auditeurs que vous avez écrit ces livres édités par la maison d'édition Contre-Culture. Je vais les citer. Le premier d'entre eux, c'est De la famille clanique au couple parental homosexuel. Le deuxième, La réification de la parole et autres fictions. Et enfin, le troisième, Terrorisme et crimes contre l'humanité, sorti récemment, disponible sur contreculture.com. Et enfin, ce quatrième, qui est un peu différent, Pierre Berger, Censeur, l'affaire Dialogue désaccordé. Et je crois savoir que vous en avez encore un. Alors, il y en a un que j'ai soumis à l'éditeur, qui porte dans la lignée des leçons 2, qui porte sur un point technique crucial pour les sociétés capitalistes, pour le système de la bourse. C'est un point très important. Les connaisseurs savent que le bénéfice d'inventaire, ça leur parlera. Voilà. Donc, et je l'étudie sous l'angle du pécule antique en droit romain. J'en ai un que je suis en train d'écrire qui permettra de faire de l'introduction générale au droit et à la philosophie du droit, tout en étant technique et en abordant certains sujets très très brûlants. Je suis en train de l'écrire, donc il faut peut-être pas en dire plus. Je réfléchis et je rassemble aussi beaucoup de documentation sur un autre genre de document qui serait un guide juridique du militant. Voilà. Et qui pourrait venir en complément d'un guide du militant. Enfin, il y a des choses à réfléchir. Très bien. Eh bien, Damien Viguier, nous suivrons ça avec attention. Merci encore. Et, chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Rachmaninov, moment musical numéro 4. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.